pourtant je t'aime. Si loin, je pense à toi. Très loin de mes rengaines, bien loin, mais près de toi. Mon cœur te dit je t'aime. Mon cœur ne pense qu'à toi. Mon cœur aime les rengaines. Mon cœur ne t'oublie pas. Tu es le soleil de mes nuits, une étoile qui luit par les jours de bonheur. Tu es la fille que j'attendais, celle dont je rêvais et qui a pris mon cœur. Il faut me faire confiance et suivre mes idées. L'amour n'est pas de la chance, il faut le respecter. Un jour viendra peut-être où l'on réussira, car du fond de mon être, moi je n'aime que toi. Tu es le soleil de mes nuits, une étoile qui luit par les jours de bonheur. Tu es la fille que j'attendais, celle dont je rêvais et qui a pris mon cœur. Tu es le soleil de mes nuits, une étoile qui luit par les jours de bonheur. Que j'attendais, celle dont je rêvais et qui a pris mon cœur.